Jérémie chapitre 47. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète, contre les Philistins, avant que Pharaon frappe à Gaza. Ainsi a dit l'Éternel, voici des eaux qui montent de l'Aquilon, elles seront comme un torrent débordé, elles se déborderont sur la terre, et sur tout ce qui est en elle, sur la ville et sur ses habitants. Les hommes crieront, et tous les habitants du pays hurleront. À cause du bruit éclatant de la corne des pieds de ses puissants chevaux, à cause de l'impétuosité de ses chariots, et à cause du bruit de ses roues. Les pères n'ont pas regardé les enfants, tant ils ont eu les mains lâches, à cause du jour qui vient pour ravager tous les Philistins, et pour retrancher à tirer à Sidon, quiconque restera pour les secourir, car l'Éternel s'en va saccager les Philistins, qui sont les restes de l'île de Caphtor. Gaza est devenue chauve, à ce qu'il en ne dit plus mot, avec le reste de leur vallée. Jusqu'à quand feras-tu des incisions sur toi? Ah, épée de l'Éternel, jusqu'à quand ne te reposeras-tu point? Rentre en ton fourreau, apaise-toi, et te tiens en repos. Mais comment te reposerais-tu? Car l'Éternel lui a donné charge, il l'a assigné contre Ascalon, et contre le rivage de la mer.